En dessinant de tels tableaux, Madame de Lafayette offrait d'utiles leçons à des contemporaines qui en avaient souvent besoin. Mais elle le fit simplement, sans vouloir donner elle-même une conclusion morale à ses récits, et laissant ce soin aux poignantes situations qu'elle évoquait. Il appartenait à une femme d'avertir ainsi ses sœurs des catastrophes qu'entraîne la passion triomphante et débordante, et d'opposer ces catastrophes aux généreux sacrifices qu'exige l'accomplissement du plus austère devoir. Madame de Lafayette exerça donc une influence littéraire et une action moralisatrice, ou, pour mieux dire, elle fit servir la première à la seconde. C'était là un but que devait naturellement poursuivre la noble femme qui mérita que La Rochefoucauld dit d'elle qu'elle était vraie. Elle fut vraie, en effet, aussi bien dans ses délicates peintures du cœur humain que dans les actions de sa vie privée. La Rochefoucauld avait pu juger de la sincérité de ses affections, et pendant plus de 25 ans, l'amitié de Madame de Lafayette fut pour le cœur blessé du misanthrope un refuge où il trouvait tout ce qu'il pouvait goûter encore de paix et de bonheur. Les deux amis s'aidaient de leurs conseils. Madame de Lafayette perfectionna le style du noble duc, qui, sans cette influence, aurait eu peut-être la phrase incorrecte, bien que superbe, d'un Saint-Simon. Avec cette charmante modestie qui sied à la femme, Madame de Lafayette ne convenait que de la dette intellectuelle qu'elle avait elle-même contractée à l'égard de son ami, et ne se reconnaissait sur lui qu'une influence morale. « Monsieur de La Rochefoucauld m'a donné de l'esprit, disait-elle, mais j'ai réformé son cœur. » Était-elle bien sûre de cette dernière assertion? Pour nous en convaincre nous-mêmes, il aurait fallu que l'auteur des maximes modifiât son système, et c'est ce que le duc ne fit pas. Il est néanmoins touchant que le tendre cœur de Madame de Lafayette se soit uni à cet esprit amer, comme pour le persuader par un vivant commentaire que la vraie définition de l'amitié se trouvait plutôt dans les maximes de Madame de Sablé que dans les siennes. Mais les limites de cet ouvrage ne me permettent pas de m'arrêter aux talents secondaires, quelque remarquable qu'ils soient. Il me faut marcher rapidement et ne faire halte que devant les talents supérieurs qui ont exercé une influence marquée sur notre littérature. C'est à ce titre que Marguerite d'Angoulême m'a si longtemps retenu devant son attachante physionomie. C'est à ce titre encore que Madame de Sévigné me fera ralentir ma course. Toutes deux personnifient l'esprit français dans sa grâce la plus aimable, la plus sympathique, et en même temps, elles sont restées délicieusement femmes. Elles se sont données tout entières aux affections du foyer. Marguerite a été la plus dévouée des sœurs, Madame de Sévigné la plus passionnée des mères. Elles ont, l'une et l'autre, exagéré l'expression des sentiments les plus légitimes. On l'a dit et redit, Madame de Sévigné a trop souvent fait parler à la tendresse maternelle un langage d'amant. Si Marguerite d'Angoulême voyait dans son frère, dans François Ier, le Christ de Dieu, Madame de Sévigné n'est pas loin de cette idolâtrie, en ce qui concerne sa fille, Madame de Grignan. L'amour maternel est pour son esprit cette pensée habituelle, que l'amour de Dieu est pour les âmes pieuses. Madame de Sévigné méritera que le grand Arnaud l'appelle une jolie païenne. Comme l'amour fraternel pour Marguerite, l'amour maternel est la vie de Madame de Sévigné. Ma fille, aimez-moi donc toujours. C'est ma vie, c'est mon âme que votre amitié. La tendresse que j'ai pour vous, ma chère bonne, me semble mêlée avec mon sang et confondue dans la moelle de mes os. Elle est devenue moi-même. Adieu, ma fille, adieu, la chère tendresse de mon cœur. Adieu, ma chère enfant, l'unique passion de mon cœur, le plaisir et la douleur de ma vie. Aimez mes tendresses, aimez mes faiblesses. Pour moi, je m'en accommode fort bien. Je les aime bien mieux que des sentiments de Sénèque et d'Épictète. Je suis douce, tendre, ma chère enfant, jusqu'à la folie. Vous m'êtes toute chose, je ne connais que vous. Il y a sans doute quelque chose de trop. Marguerite d'Angoulême est plus dans la nature lorsqu'elle prodigue à son frère les témoignages d'une adoration passionnée, parce que François Ier, étant à la fois pour elle roi, père et frère, elle n'abaisse pas sa dignité en se courbant devant celui qui, pour elle, a la double délégation de l'autorité royale et de l'autorité domestique. Mais en se mettant, pour ainsi dire, aux pieds de sa fille, Madame de Sévigné sacrifie trop son droit maternel, et au temps où la place de la mère était si élevée dans les foyers chrétiens, certaines expressions de l'aimable épistolière nous choquent comme de fausses notes. De là à conclure que Madame de Sévigné n'était pas sincère dans l'expression de son attachement maternel, il y a loin. Et ceux qui lui adressent ce reproche ne le lui feraient pas s'ils avaient attentivement recueilli dans ses lettres tant de passages où le cœur d'une mère déborde avec une naturelle effusion. Et d'ailleurs, ne soyons pas trop sévères pour cette passion maternelle à laquelle nous sommes redevables de tant de pages ravissantes. Souvent séparée de Madame de Grignan, Madame de Sévigné, de même qu'elle ne peut converser qu'avec les personnes à qui elle parle de sa fille, ne retrouve qu'en lui écrivant la pleine liberté de son aimable esprit. Pour les autres, sa plume lui pèse et laboure, mais pour sa fille, cette plume trotte la bride sur le cou. Et l'on sent bien la vérité de cette phrase si connue « Je vous donne avec plaisir le dessus de tous les paniers, c'est-à-dire la fleur de mon esprit, de ma tête, de mes yeux, de ma plume, de mon écritoire, et puis le reste va comme il peut. » Dans ses lettres, Madame de Sévigné est le plus fidèle miroir de son époque, miroir brillant dont le grand siècle avait lui-même d'ailleurs poli la glace et taillé les facettes, mais qui devait une grande partie de son éclat à sa propre nature. Madame de Sévigné avait en effet la radieuse imagination des gens qui sont nés pour le bonheur. Et Madame de Lafayette avait raison de lui dire dans le portrait qu'elle traça d'elle « La joie est l'état véritable de votre âme, et le chagrin vous est plus contraire qu'à personne du monde. » Cependant, Madame de Sévigné put d'autant moins éviter le chagrin que l'unique objet en qui s'était concentrée toute sa puissance d'affection devint pour cette femme naturellement tendre et passionnée, une cause presque continuelle de douleur. Souvent éloignée de Paris, souvent malade et d'humeur inégale, Madame de Grignan faisait souffrir sa mère, tantôt par son absence, tantôt malgré sa filiale affection, par sa présence même. Mais quand le caractère est gai, la tristesse peut bien déposer son amertume dans le cœur. Le sourire garde si naturellement son pli qu'il rayonne encore au milieu des larmes. Aussi bien que le souffle de la douleur vint parfois ternir le miroir enchanté dont je parlais tout à l'heure, l'ombre disparaissait, et dans le miroir apparaissait avec un merveilleux relief tout ce qui venait s'y réfléchir. Avec l'imagination qui reproduit les tableaux qui s'y sont fixés, Madame de Sévigné avait le goût éclairé qui les choisit. Elle avait aussi la vivacité et la mobilité d'impression qui faisaient d'elle l'écho de tous les bruits du monde, écho tour à tour joyeux ou attendri, grave ou léger. Avec elle, nous devenons ses contemporains. Voici les fêtes que remplit le majestueux éclat du roi soleil, les batailles qui vont répandre au loin la gloire de son nom. Voici les petites intrigues et les grands événements, les aventures galantes de la cour, et devant le règne officiel des favorites, la foudroyante éloquence de l'orateur sacré qui tonne contre l'adultère, les spirituels caquets du monde et les grandes leçons de l'histoire, les mariages souvent basés sur l'intérêt, mais parfois illuminés d'un rayon d'amour, les morts des grands capitaines, ce canon chargé de toute éternité, qui enlève Turenne au milieu des cris et des pleurs de ses soldats ivres de vengeance, et qui conduit le cercueil du héros dans la royale nécropole de Saint-Denis, au milieu d'une pompe funèbre transformée en pompe triomphale par les populations éperdues et pleurant le suprême espoir de la France. Puis c'est le grand coudé, montrant à l'heure de sa mort, à l'heure des derniers combats, le calme, la sérénité que l'on admirait en lui au jour de bataille. L'imagination de Madame de Sévigné est si riche de son propre fond que pour s'animer, elle n'a pas besoin du mouvement de Paris ou de Versailles. Les habitudes de la province, la retraite même dans une austère campagne, ne l'assombrissent pas. C'est avec entrain que Madame de Sévigné nous décrit les états de Bretagne, avec leurs plaisirs assurément moins délicats que bruyants, et ses interminables repas, qui lui font désirer de mourir de faim et de se taire. En avant, les paysans bretons, avec leurs coutumes pittoresques et leurs armes plus droites que des lignes, aimant la vertu comme naturellement les chevaux trottent. Avec quel charme rustique Madame de Sévigné nous dépeint la fenaison. À Vichy, elle nous fera rire avec elle de la bourrée d'Auvergne. Une autre fois, elle nous fera frissonner du spectacle que présente une forge avec les démons qui s'agitent dans cet enfer, tous fendus de sueur, avec des visages pâles, des yeux farouches, des moustaches brutes, des cheveux longs et noirs. En voyage, tout l'occupe, tout l'amuse. La nuit passée sur la paille, le carrosse qui verse. Mais elle se plaît surtout aux beaux aspects de la route, car elle aime la nature. Elle l'aime du moins à la manière de notre ouvert du Moyen-Âge, qui, d'accord en cela avec Homère, n'indique que d'un trait rapide et gracieux le paysage qui les enchante. La nature plaît à Madame de Sévigné dans ses aspects les plus variés, les plus opposés même. Au rocher, la sombre horreur de sa chère forêt la fait rêver. Elle regrette seulement d'y entendre le soir le hibou au lieu de la feuille qui chante, cette feuille dont la mélodie ne devait pas lui manquer à l'Ivry, alors que danserie en ses jours, où elle trouvait tout le triomphe du mois de mai, elle disait « le rossignol, le coucou, la fauvette ont ouvert le printemps dans nos forêts ». C'est encore à l'Ivry que Madame de Sévigné regardait le brocart d'or des feuilles d'automne, avec un œil d'artiste qui le trouvait plus beau encore que le vert des cents. Jusqu'au jour de pluie à la campagne, tout est bon à ce charmant et solide esprit. N'est-ce pas alors le moment d'aller chercher sur les tablettes de son petit cabinet les livres substantiels dont elle se nourrit? Que de fois elle nous initie aux lectures que lui donnent parmi les auteurs anciens Virgile, Tacite, Lucien, Plutarque, Joseph, les pères de l'Église, puis des écrivains modernes, Montaigne, Pascal, Nicole, Malebranche, Bossuet, Bourdaloue, qu'elle nomme le Grand Pan, Fléchier, Mascaron, les historiens de l'Église et de la France, Corneille enfin, Corneille à qui elle restera fidèle toute sa vie, et qu'elle élèvera au-dessus de Racine. Vive donc notre vieille amie Corneille, pardonnons-lui des méchants vers en faveur des divines et sublimes beautés qui nous transportent. Ce sont des traits de maître qui sont inimitables. Madame de Sévigné goûtait naturellement la fontaine. Leurs esprits étaient de même race, c'est-à-dire de la vieille trempe française. Malheureusement, l'enjouée marquise ne senta pas aux fables du poète. Elle ne ria pas plus de ses lectures françaises les contes de La Fontaine qu'elle n'avait excepté de ses lectures italiennes les contes de Boccace. J'aime mieux rappeler ici l'attrait qu'avait pour elle le Tasse. Madame de Sévigné avait conservé au milieu même de ses plus solides occupations intellectuelles la passion des romans de cap et d'épée. Son goût se moquait du style de ses ouvrages, mais son imagination se laissait prendre à la glu des aventures héroïques et des beaux sentiments. De l'hôtel de Rambouillet, elle avait gardé avec ce faible une insurmontable aversion pour les compagnies ennuyeuses. Elle excellait à s'en défaire et appelait cela « écumer son pot ». On se souvient de cette lunette d'approche qui, par l'un de ses bouts, faisait voir les gens à deux lieues de soi et qu'elle dirigeait si volontiers dans ce sens pour regarder une compagnie déplaisante où figurait Mademoiselle Duplessis. En ce qui concerne cette pauvre fille, qui, malgré ses ridicules, avait de bons sentiments, on ne peut s'empêcher de trouver Madame de Sévigné bien cruelle dans les railleries dont elle l'accable. La charité est plus d'une fois absente, d'ailleurs de ses lettres trop spirituelles pour n'être pas quelquefois méchante. Malgré les conseils de modération qu'elle donne à sa fille, on peut l'accuser aussi d'avoir trop vivement épousé les querelles des Grignans. Elle mérita bien qu'un jour, son confesseur lui refusa l'absolution pour avoir gardé trop de rancune à l'évêque de Marseille. Mais ses colères ne furent dans sa vie que de passagers accidents. La bonté, le dévouement, voilà ce qui y domine. Les chagrins d'autrui la trouvaient profondément sensible. Elle a retracé, avec une naturelle et communicative émotion, les déchirements des pertes domestiques, Madame de Longueville pleurant son fils, Mademoiselle de la Trousse se jetant sur le corps de sa vieille mère qui vient d'expirer, Madame de Dreux, avide de revoir sa mère en sortant de prison, et apprenant avec un poignant désespoir que le chagrin de sa captivité a tué cette mère chérie. Madame de Lafayette voit-elle mourir son vieil ami, le duc de La Rochefoucauld? Rien ne pouvait être comparé à la confiance et au charme de leur amitié, dit Madame de Sévigné. Tout se consolera, hormis elle. Ce mot révèle une âme qui connaissait l'amitié. Madame de Sévigné fut, on le sait, une amie dévouée jusqu'au sacrifice. Elle n'hésita pas à se compromettre pour de chers proscrits. Avec quelle ardente sollicitude elle suit le procès de Fouquet, le cher malheureux. Jamais elle ne fera une cour plus empressée à M. de Pomponne et à sa famille que dans la disgrâce de ce ministre, et avec quelle délicatesse. Je leur rends des soins si naturellement que je me retiens, de peur que le vrai n'ait l'air d'une affectation et d'une fausse générosité. Ils sont contents de moi. Dans ce noble cœur vit aussi la passion pour la gloire de la France. Quelle patriotique fierté dans le récit de l'entrevue de Louis XIV avec l'ambassadeur de Hollande. Le roi prit la parole et dit, avec une majesté et une grâce merveilleuse, qu'il savait qu'on excitait ses ennemis contre lui. qu'il avait cru qu'il était de sa prudence de ne pas se laisser surprendre, et que c'est ce qui l'avait obligé à se rendre si puissant sur la mer et sur terre, afin d'être en état de se défendre, qu'il lui restait encore quelques ordres à donner, et qu'au printemps il ferait ce qu'il trouverait le plus avantageux pour sa gloire et pour le bien de son état. Et fit comprendre ensuite à l'ambassadeur, par un signe de tête, qu'il ne voulait point de réplique. Ce signe de tête nous fait rêver au Jupiter olympien d'Homère. Où est le temps où la France avait le droit et le pouvoir de manifester ainsi sa volonté à l'Europe? Madame de Sévigné aime aussi la France dans ses soldats. Avec quel vif plaisir, elle dit après le passage du Rhin. Les Français sont jolis, assurément. Il faut que tout leur cède, pour leurs actions d'éclat et de témérité. Enfin, il n'y a plus de rivières, présentement, qui servent de défense contre leur excessive valeur. Ma fille, aimez-moi donc toujours. C'est ma vie, c'est mon âme que votre amitié. Enfin, à la mort de Turenne, quelle patriotique douleur! Nous en avons déjà entendu l'écho. C'est ici le lieu d'aborder une question délicate. On a accusé Madame de Sévigné d'avoir traité avec une cruelle légèreté ce qu'il y a de plus poignant pour le sentiment national, la guerre civile et les terribles répressions qu'elle entraîne. C'est à l'occasion des troubles de Bretagne que Madame de Sévigné a encouru ce grave reproche. Il me paraît utile de bien pénétrer ici la pensée de la marquise. Sans doute, dans plus d'un endroit de ses lettres, Madame de Sévigné s'exprime avec une étrange désinvolture sur les exécutions qui remplissaient d'horreur la Bretagne. Mais il ne faut pas oublier que, lié avec le gouverneur de Bretagne et écrivant à Madame de Grignan, femme du lieutenant général du roi de Provence, elle est obligée à une grande circonspection de langage. S'exprimer autrement, alors qu'une lettre pouvait être décachetée en route, n'était-ce pas faire perdre à son fils l'appui de Monsieur de Chaulnes? N'était-ce pas aussi compromettre, aux yeux du roi, la chère correspondante à qui elle aurait confié les sentiments de réprobation que soulevaient dans son cœur des ordres iniques? Ces sentiments ne se font-ils pas, jour ça et là? Je ne sais si je m'abuse, mais sous l'apparente légèreté avec laquelle Madame de Sévigné parle des malheurs de la Bretagne, je crois voir non de l'indifférence, mais une ironie amère. Les véritables sentiments de la marquise paraissent se trahir plus d'une fois. Je prends part à la tristesse et à la désolation de toute la province. Me voilà bien bretonne, comme vous voyez. Mais vous comprenez bien que cela tient à l'air que l'on respire, et aussi à quelque chose de plus, car de l'un à l'autre, toute la province est affligée. Quelle réflexion serait plus éloquente que ce tableau? Voulez-vous savoir des nouvelles de Rennes? Il y a présentement 5 000 hommes, car il en est encore venu de Nantes. On a fait une taxe de 100 000 écus sur les bourgeois. Et si on ne trouve point cette somme dans 24 heures, elle sera doublée et exigible par des soldats. On a chassé et banni toute une grande rue et défendu de les recueillir sur peine de la vie, de sorte qu'on voyait tous ces misérables, femmes accouchées, vieillards, enfants, errer en pleurs au sortir de cette ville, sans savoir où aller, sans avoir de nourriture ni de quoi se coucher. Avant-hier, on roua un violon qui avait commencé la danse et la pillerie du papier timbré. Il a été écartelé après sa mort, et ses 4 quartiers exposés aux 4 coins de la ville. On a pris 60 bourgeois. On commence demain à pendre. Malheureusement, pour faire passer ces paroles, où frémit une indignation contenue, Madame de Sévigné ajoute des lignes, qui lui sont peut-être inspirées ainsi par la crainte des insultes auxquelles serait exposée sa fille, si la Provence se révoltait comme la Bretagne. Cette province est d'un bel exemple, pour les autres et surtout de respecter les gouverneurs et les gouvernantes, de ne leur point dire d'injures et de ne point jeter de pierres dans leur jardin. Telles étaient, en effet, les avanies qu'avaient eu à souffrir le duc et la duchesse de Chaulnes. Mais ne semble-t-il pas que le ton qu'emploie Madame de Sévigné dénote qu'elle trouve la rigueur du châtiment bien disproportionnée à la gravité de l'offense? Ne dit-elle pas plus tard « Rennes est une ville comme déserte, les punitions et les taxes ont été cruelles ». Ailleurs encore, elle dira les atrocités de la répression. Je reconnais cependant que je voudrais une moins prudente réserve et une plus vigoureuse indignation dans la petite fille de Sainte Chantal, dont la femme qui tentait d'arracher un galérien à ce supplice qu'elle se représentait sous de si vives couleurs. Il est vrai que même en demandant la grâce d'un forçat, la marquise dissimule un sourire. Il est vrai aussi que la description du bagne frappe plus son imagination que son cœur, et qu'elle se promet un plaisir d'artiste à voir un tel spectacle. Cette nouveauté, à quoi rien ne ressemble, touche ma curiosité. Je serais fort aise de voir cette sorte d'enfer. Comment des hommes gémirent jour et nuit sous la pesanteur de leur chaîne? Elle exprime par un vers italien l'étrange attrait qu'aurait pour elle ce tableau. Et di mezzo l'orrore esse il diletto. Et du milieu de l'horreur naît le plaisir. Ne nous pressons pas trop de conclure que Madame de Sévigné était insensible aux généreuses émotions de la charité chrétienne. Peut-être les vertus dont on parle le plus ne sont-elles pas toujours celles que l'on pratique le mieux. Il m'est plus difficile d'excuser la légèreté avec laquelle Madame de Sévigné rapporte certaines anecdotes ou juge certaines situations. Nous n'aimons pas à l'entendre raconter à sa fille de scandaleuses aventures. Nous ne lui pardonnons pas surtout de dire à cette même fille qu'elle conseillerait à une femme trahie de jouer quitte à quitte avec son mari. C'était là de ses propos mondains, auxquels elle ne réfléchissait sans doute pas, elle qui, dans la même situation, était demeurée fidèle au devoir. Dans d'autres circonstances, Madame de Sévigné fait preuve d'un jugement plus sain. Cette femme, qui semble tout au présent, a compris le néant de ce qui se passe. Mais elle ne veut de la philosophie qu'autant que celle-ci est chrétienne, bien que des impressions jansénistes viennent se mêler à sa foi. Cette foi reste humble et soumise. La petite fille de Sainte Chantay voit en tous les desseins de la Providence. Elle s'abandonne avec une confiante sérénité à la souveraine puissance qui nous guide. Lorsqu'un fils est né à Madame de Grignan, elle dit à celle-ci avec l'accent d'une mère chrétienne « Ma fille, vous l'aimez follement, mais donnez-le bien à Dieu, afin qu'il vous le conserve. Donnez-le à Dieu si vous voulez qu'il vous le donne. » Elle a beau ajouter à ce conseil une note rieuse, elle sait bien qu'une chose seule est nécessaire, la direction de la vie vers le salut éternel. Et cependant, avec quelle confusion, elle s'accuse de se laisser détourner de cette pensée. C'est encore une forte chrétienne qui a écrit à M. de Coulanges cette superbe lettre sur la mort de Louvois et sur le conclave. Je suis tellement éperdu de la nouvelle de la mort très subite de M. de Louvois que je ne sais par où commencer pour vous en parler. Le voilà donc mort, ce grand ministre, cet homme si considérable, qui tenait une si grande place, dont le moi, comme dit M. Nicole, était si étendu, qui était le centre de tant de choses, que d'affaires, que de desseins, que de projets, que de secrets, que d'intérêts à démêler, que de guerres commencées, que d'intrigues, que de beaucoup d'échecs à faire et à conduire. Ah, mon Dieu, donnez-moi un peu de temps. Je voudrais bien donner un échec au duc de Savoie, un mat au prince d'Orange. Non, non, vous n'aurez pas un seul à un seul moment. Sous une forme familière, n'est-ce pas ici la haute inspiration de Bossuet? Quant aux grands objets qui doivent porter à Dieu, poursuit Madame de Sévigné, vous vous trouvez embarrassé dans votre religion, sur ce qui se passe à Rome et au conclave. Mon pauvre cousin, vous vous méprenez. J'ai ouï dire qu'un homme d'un très bon esprit tira une conséquence toute contraire au sujet de ce qu'il voyait dans cette grande ville. Il en conclut qu'il fallait que la religion chrétienne fût toute sainte et toute miraculeuse de subsister ainsi par elle-même au milieu de tant de désordres et de profanations. Faites donc comme lui, tirez les mêmes conséquences, et songez que cette même ville a été autrefois baignée du sang d'un nombre infini de martyrs. Qu'au premier siècle toutes les intrigues du conclave se terminaient à choisir entre les prêtres, celui qui paraissait avoir le plus de zèle et de force pour soutenir le martyr, qu'il y eut 37 papes qui le souffrirent l'un après l'autre, sans que la certitude de cette fin leur fît fuir ni refuser une place où la mort était attachée, et quelle mort! Vous n'avez qu'à lire cette histoire pour vous persuader qu'une religion subsistante, par un miracle continuel, et dans son établissement et dans sa durée, ne peut être qu'une imagination des hommes. Lisez saint Augustin dans sa vérité de la religion, ramassez donc toutes ses idées, et ne jugez pas si légèrement. Croyez que quelque manège qu'il y ait dans le conclave, c'est toujours le Saint-Esprit qui fait le pape. Dieu fait tout, il est le maître de tout, et voici comme nous devrions penser. J'ai lu ceci en bon lieu. Quel mal peut-il arriver à une personne qui sait que Dieu fait tout, et qui aime tout ce que fait Dieu? Voilà sur quoi je vous laisse, mon cher cousin.